l'arrêt pas de 4-4 sans le bougie. L'ambiance est rapatriée, foy. Personne ne sort plus boire sans le fouzi. Pour que jeunesse se passe, boy. Les plus féroces pour faire fuir. Ouvre le coffre du faire dire. Ça commençait déjà à l'époque sur un parking. Les bleus pleurent, on sortait les gars, on s'avançait le get down. Les pépites sont plus précoces de nuit. On a déjà des gosses depuis. Ah, I need money. 9-3, mode survie. Les calibrés là, dans le jean. Détermination, ma gueule, je pense en équipe. Pour tout seul, j'ai de la repu. Tout ça veut leur faire pour voler ma rachat. Déjà gamin, j'avais beaucoup pris. J'ai le nerf de la guerre pour régler les conflits. I need the money. Mes blessures de guerre, plus de vacances, plus de week-end. Haram peut t'emmener en enfer. Ça reste du haram, yes, week-end. Flo t'envoie dans le décor. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, tire-moi dessus. Pour un jeu trop déçu, man, on m'a vraiment chargé ta chute balayée. Des rappeurs, des chutes, j'ai ton sang, je suis là dans le cul. Yep, Ganso man, Rollard, les chics m'accompagnent. On les claque, gros, t'as pas vu ma plaque, on les brasse à la boîte. On les mac, on gagne. Maman crie ça, mets le prix, maintenant visa. En plus, stick ça, 9-3, ça. Moi déjà gamin.